Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 16. Chapitre 2. Depuis 5 jours, Mazas rongeait son frein. Malgré les distances abyssales séparant les bases de l'OMU, le bouche-à-oreille avait fait son œuvre et le récit de ses déboires avec Atlan alimentait discrètement les conversations. Avec pour corollaire que les gens qui la fréquentaient habituellement lors de ses passages à OMU-17 s'étaient découverts des occupations qui les empêchaient de se retrouver en sa compagnie. Avec amertume, elle avait pu constater la versatilité de ses contemporains. Tant qu'elle avait été considérée comme le chouchou du patron de l'Organisation des Mondes Unis, elle avait dû subir une cour assidue de tout ce qui portait un pantalon, et même de la part de certaines de ses consœurs. À présent qu'elle semblait tomber en disgrâce, tous les amis avaient disparu de son entourage. Elle avala d'un trait son verre de Vurguse et entama son repas du bout des lèvres. « Excusez-moi, je peux m'asseoir à votre table ?» Elle leva les yeux et aperçut un capitaine de l'OMU qui lui souriait. Elle haussa les épaules. « Si le cœur vous en dit. » L'homme la remercia d'un signe de tête et tira une chaise sur laquelle il s'installa avec un soupir de contentement. « Permettez-moi de me présenter. Capitaine Nero Sternberg de la sécurité d'OMU-17. »« Mazas Pavel, agent. » Et, sans plus s'occuper de lui, la jeune femme replongea le nez dans son assiette. « Vous paraissez déprimé. Un chagrin d'amour ?» Elle lui jeta un regard vipéré. « Vous comptez peut-être proposer vos services pour me consoler ?» Non, je voulais juste engager la conversation. Désolé, mais je n'ai nulle envie de bavarder. Il crispa ses lèvres en une petite moue de contrariété avant de pianoter la commande de son repas. Pendant quelques instants, ils mangèrent tous deux en silence. Puis, le capitaine tenta à nouveau sa chance. Depuis votre retour, j'ai pu m'apercevoir que vos relations vous fuyaient comme la peste, et je peux pas supporter ce genre de réaction. Quelle est donc la raison de ce comportement, si je puis me permettre cette question ? Une divergence d'opinion avec le grand patron. Encore un qui se croit omnipotent. Il hocha la tête d'un air compatissant. Bah, il ne s'agit sans doute que d'une brouille passagère. Alors là, ça m'étonnerait. Mais elle n'en dit pas plus. Le repas se poursuivit dans un silence interrompu parfois par une question ou une autre, posée par son interlocuteur, mais qui n'obtenait pas toujours de réponse. Finalement, Mazas lui confia « C'est gentil de votre part de vous intéresser à une pestiférée, mais cela ne va pas améliorer vos chances d'avancement. » Je suis déjà considéré comme un mouton à 5 pattes, et je sais bien que le grade de capitaine représente mon bâton de maréchal. Alors les qu'en dira-t-on ? » Elle daigna enfin lui accorder un sourire fugitif. « Désolé pour vous. Tiens, je me répète. Si vous ne voulez pas vous glisser dans le moule confectionné par le Lord Amiral, cependant... « Mes propres problèmes me suffisent amplement, et je n'ai nulle envie de m'occuper des vôtres. »« Ok, laissons nos soucis personnels de côté, et permettez-moi de vous offrir un verre. »« D'accord, ce sera un Vurguse. » Lorsque Mazas rejoignit son petit appartement, elle savait tout, du moins sur ce qu'il avait bien voulu lui révéler, du capitaine Nero Sternberg. Responsable de la sécurité sur OMU-49, il avait été promu sur Quinto Center, mais en tant que deuxième adjoint. Ce qui l'avait ulcéré, il l'avait poussé à adopter une attitude désagréable à l'encontre de sa hiérarchie. Celle-ci n'avait guère apprécié ses réactions de mauvaise humeur et l'avait installé sur une voie de garage, aux confins de l'Empire, sur OMU-17. Depuis, il avait fait profil bas. Cependant, le fiel continuait à envahir son âme, même s'il n'en laissait rien paraître. Et, à présent, il semblait croire avoir trouvé enfin quelqu'un qui soit de son bord. Il avait tenté de la sonder sur ses sentiments vis-à-vis du Lord Amiral et de son organisation, et ses réponses évasives, données à contre-cœur, lui avaient laissé supposer qu'elle était prête à se rebeller contre ses patrons. Il l'avait quittée en lui donnant rendez-vous pour le repas du soir, mais elle avait refusé, en prétextant qu'elle préférait rester chez elle devant une bonne vidéo. Sa réaction ne semblait pas l'avoir rebuté, et il avait pris congé en souriant. Elle venait de s'installer pour écouter son concert du fameux groupe de space music Las Orientes, lorsque son visiophone égrena ses notes cristallines, annonçant l'arrivée d'un visiteur. Elle haussa les sourcils en signe d'étonnement, puis appuya sur la télécommande qui se trouvait à portée de main. L'écran s'éclaira, dévoilant le couloir menant à sa porte d'entrée. Un visage s'encadra sur le verre dépoli, celui de Nero Stenberg. Un bref sourire apparut fugitivement sur les lèvres de la Karzassienne et elle déverrouilla l'accès à son appartement. Le capitaine s'excusa pour sa venue tardive. Je sais que vous souhaitiez être tranquille ce soir, mais nos services viennent de recevoir une information confidentielle qui vous concerne. Sachant tout ce que vous avez fait pour l'OMU, j'ai été scandalisé. Et j'ai décidé aussitôt de vous en avertir. Elle lui désigna un siège et prit un air indifférent pour demander « De quoi s'agit-il ?» Le Lord Amiral nous a ordonné de vous surveiller discrètement et de l'aviser de tout comportement inhabituel de votre part. Je constate qu'il est plein d'attention à mon égard. Oh, plus que vous croyez, puisqu'il explique les motifs de sa suspicion envers vous. Ah bon ? Et lesquels ? Votre frère, Rick Pavel, a tué un prince marchand lors d'une rixe. Il semblerait qu'il s'agisse en fait d'un meurtre, parce qu'il lui devait une grosse somme d'argent. C'est faux ! Rick est un mercenaire, mais il n'a jamais assassiné personne. Vous avez sans doute raison, mais York Dunbar, le prince marchand, était un ami d'Atlan. Ce qui doit fausser son jugement en la matière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après votre intervention virulente en faveur de votre frère et votre demande d'étouffer l'affaire, ce qui laisse d'ailleurs supposer que vous avez des doutes au sujet de son innocence, le Lord Amiral ne vous juge plus fiable. Et il a diffusé cette information ? Confidentiellement et uniquement au chef de secteur. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Mais si c'est le cas, je me considère dorénavant libéré de tous mes engagements envers lui. Un sourire de satisfaction étira les lèvres du capitaine, avant qu'il ne prête une voix compatissante pour lui dire « Vous êtes vraiment mal récompensé pour tout ce que vous avez donné à l'OMU. Le Lord Amiral est tout à fait injuste envers vous. » « Oui, l'ingratitude des grands de ce monde est parfois étonnante. » Nero Stenberg se leva et, avant de prendre congé, il lui assura « Bien, je ne sais pas ce que vous comptez faire à présent, mais je tiens à ce que vous sachiez que si vous avez besoin de n'importe quoi et qu'il soit dans mes possibilités, je suis tout à votre disposition. » « Je vous remercie de tout cœur, capitaine, mais j'ai bien peur que vous ne soyez actuellement le seul à faire preuve de sympathie à mon égard. » Le lendemain, Maza se dirigea vers la salle des transmetteurs. Lorsqu'elle passa le seuil de la vaste pièce, un lieutenant de la sécurité se dressa devant elle. « Bonjour, mademoiselle Pavel. Que puis-je pour vous ?» Elle exhiba sa carte en répondant. « Bonjour, lieutenant. Je voudrais aller faire un saut sur OMU-21. J'ai appris que Melbar Kazom y était, et le revoir me changerait les idées. »« Désolé, mademoiselle, mais vous êtes assigné à résidence. » Je ne peux pas accéder à votre demande. Elle eut un geste de dépit, mais se reprit instantanément et se contenta de répondre. Tant pis. Elle salua d'un index négligent porté à sa tempe et tourna les talons. Tête basse, elle reprit le chemin inverse et rejoignit son appartement. Elle se rendit vers une petite bibliothèque contenant des vrais livres aux pages en papier plastifié, les contempla avec un plaisir visible et en saisit un. Depuis sa prime enfance, elle avait été attirée par ces vestiges du passé qu'elle avait découvert un jour entre les mains de sa mère adoptive. Plus tard, elle s'était constituée une collection de romans et elle en avait apporté un certain nombre sur OMU 17 pour meubler ses temps de loisirs. Elle s'installa dans un fauteuil confortable après avoir posé sur la table basse un verre et une bouteille de Vurguse. Elle lisait depuis une demi-heure environ, quand le vibreur de sa porte d'entrée retentit. Elle ne put retenir un petit sourire, mais reprit son visage morose pour s'assurer de l'identité de son visiteur sur le visiophone. Comme elle s'en doutait, il s'agissait du capitaine Sternberg. Dès qu'il fut en sa présence, il se fit direct. J'ai appris qu'on vous avait refusé l'accès au transmetteur. Décidément, l'information circule vite chez vous. Ça fait partie de mon travail. Elle lui désigna la chaise qui était en face d'elle. Je vous sers un Virgus ? C'est un peu tôt pour moi, mais je prendrai volontiers un café. Sans se déplacer, elle manœuvra sa télécommande, mettant en route la cafetière qui se trouvait dans sa kitchenette. Après avoir trempé ses lèvres dans sa boisson et secoué la tête d'un air appréciateur, il l'interrogea. Que comptez-vous faire à présent? La tête de votre frère est mise à prix et il est pourchassé par toutes les polices de l'Empire. Quant à vous, vous êtes en disgrâce. La seule chose qui m'intéresse actuellement est de retrouver Rick et de prouver son innocence. Ce qui m'est impossible si je suis consigné sur OMU 17. Et alors? Vous croyez sans doute que je vais vous faire des confidences. Mazas, je suis votre ami. Et je serais pas mécontent que vous puissiez faire la nique à Atlan. Moi aussi j'ai des griffes à son égard. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes sincère et que vous n'êtes pas chargé de me pousser dans un piège? Rien, évidemment. Mais à un moment ou à un autre, vous serez bien obligé d'accorder votre confiance à quelqu'un, et toujours avec le même risque. Alors, pourquoi pas moi? Elle tordit sa bouche en une moue indécise et parut peser le pour et le contre. Pendant quelques secondes, régna un silence absolu. Puis, elle se décida. Il faut que je quitte OMU-17, et comme je ne peux pas emprunter les transmetteurs, il va falloir que je m'empare d'un vaisseau. Rien que ça. Si vous avez une autre solution, je suis preneuse. Vous savez piloter, au moins? Je me débrouille. Pour espérer échapper à vos poursuivants, il faudra autre chose que vous débrouiller. Elle parut accablée par sa réflexion, et se mordilla les lèvres machinalement. Il la laissa un moment en tête-à-tête avec les pensées maussades qu'elle développait, puis lui proposa « Je connais un excellent pilote qui pourrait résoudre ce détail. » « Pourquoi prendrait-il des risques pour dépanner une fugitive? D'autant plus qu'il sera mis dans le même sac que moi. » « Il ne vit que pour le plaisir d'exercer son métier. Mais il a été mis à pied pour avoir provoqué une collision avec un astronef qui décollait. Tout ça parce qu'il avait voulu effectuer une descente en manuel alors qu'un faisceau de guidage lui avait été imposé, vous voyez. Il y a eu 3 morts. » Et sa licence lui a été retirée à vie. Depuis, il est devenu un rampant, chargé de l'entraînement des pilotes sur simulateur de vol. Ce qui est particulièrement frustrant pour lui. Je suis persuadé qu'il acceptera avec joie de reprendre du service actif sur le bâtiment que vous comptez dérober. Bon, je crois que je n'ai pas beaucoup de choix, et qu'il va falloir que je vous fasse confiance. Mais, tout d'abord, je voudrais rencontrer votre homme, pour m'assurer qu'il n'est pas devenu une épave. Oh, sur ce point, vous pouvez être tranquille. C'est pas de gaieté de cœur qu'il effectue son travail, mais vu qu'il est tenu d'aller au bout de son contrat sur OMU-17, il est bien obligé de faire aussi bonne figure que possible. Ce qui n'empêche évidemment pas d'être profondément aigri et d'éprouver pas mal de ressentiment contre l'Organisation des Mondes Unis. Ce qui l'amène parfois, c'est vrai, à abuser un peu des boissons alcoolisées. Bien, je pense qu'il peut convenir. D'autre part, je souhaiterais que vous puissiez faire venir ici un de mes vieux amis, un Attilan du nom d'Arx. Il m'est tout dévoué et me sera précieux à la recherche de mon frère. Je sais pas trop si je vais pouvoir. D'après ce que vous m'aviez dit à notre première rencontre, j'ai cru comprendre que vous possédiez une certaine autorité sur cet astéroïde. Bien, c'est d'accord. Je vais faire tout mon possible pour vous satisfaire. Où est-ce que je peux le contacter ? Je vais vous donner ses coordonnées. Atlan répondit au salut du factionnaire qui gardait le seuil de son bureau et engagea Melbar Kassam à y pénétrer. Puis, il activa la fermeture de la porte. Asseyez-vous, Melbar. L'Étrusien posa le plus délicatement possible son énorme masse sur le canapé qui trônait près d'une table basse. Le chef de l'OMU se carra dans un fauteuil face à son visiteur. Vous savez que je suis actuellement très ennuyé par une affaire qui me touche sur le plan personnel. Rick Pavel a assassiné un prince marchand, Jörg Dombar. Qui était de vos amis, si j'en crois la rumeur? C'est exact. Mais là n'est pas la question. Tout être qui commet un meurtre doit être arrêté et jugé. C'est pourquoi j'ai lancé la police de l'Empire à sa poursuite. ainsi que certains des agents de l'OMU, dont vous avez la charge. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. J'aurais souhaité une autre réponse. D'autant que là-dessus se greffe un autre problème, et de taille. Le comportement inacceptable de Mazas qui exigeait de moi, je dis bien exigeait, au nom des services rendus, que je passe l'éponge sur l'acte criminel de son frère. Est-on absolument sûr que c'est bien Rick le coupable ? Je le connais un peu, et j'ai peine à imaginer qu'il le soit. J'étais comme vous, Melbar, avant de visionner la cassette de vidéosurveillance de la maison de York. La petite doit être dans tous ses états. Inutile de prendre sa défense. Je comprends sa réaction. Mais un agent de l'OMU digne de ce nom doit faire abstraction de ses sentiments. Du moins, ne pas les exprimer en public. C'est pourquoi je l'ai mise à pied et que je l'ai assignée à résidence sur OMU 17, où se trouve son logement de fonction. Vous êtes bien dur avec elle, Lord Amiral. C'est peut-être vrai. Et je n'ai pas le droit de laisser parler ma sympathie à son égard, sous peine de me décrédibiliser auprès des autres agents. Cette situation est un vrai crève-cœur pour moi. Cette petite m'a sauvé la vie, et vous me demandez de la considérer comme une criminelle. Non, mon ami, pas comme une criminelle, mais comme une personne à qui nous ne pouvons plus faire confiance, pour lui éviter de faire des bêtises. Un exil temporaire sur OMU 17, qui n'est quand même pas un bagne, me semble approprié. Je comprends votre peine et votre désarroi, mais je vous demande de vous engager clairement. De quel côté êtes-vous ? De celui de l'OMU ? Ou bien de celui de votre cœur ? De votre côté, Lord Amiral. Mais vous ne pouvez pas empêcher mon cœur de saigner. Je n'en attendais pas moins de votre part. Pourtant, sachez que je comprends parfaitement votre peine, que je partage également. Mais mon poste m'interdit de montrer de la faiblesse. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le chapitre 2 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Gabriel Jean dans le rôle de Melbar Kazum, Fred dans le rôle d'Atlan, Jay dans le rôle de Nero Stenberg, Gabriel Jean dans le rôle du lieutenant de la sécurité et Christian Martin à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, No Derivative et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt.